السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، aujourd'hui nous allons étudier inshallah ta'ala quelques règles que le musulman doit connaître, quelques règles relatives au jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan comprend des obligations, comprend des interdits. Ce que tout le monde sait, c'est que As-Siyam, c'est l'imsak anil mufattirat. As-Siyam, c'est le fait de s'abstenir, de commettre, de faire ce qui annule le jeûne de la personne. Voici ce que nous devons délaisser et ce qui est connu de tous. Mais quelles sont ces choses qui annulent le jeûne du mois de Ramadan? Et quelles sont donc ces choses que nous avons l'obligation de faire pour que ce jeûne soit valable? Donc parlons de ce qu'on appelle wajibat ou siyam, les obligations du jeûne. Premièrement, al-imsak wa anil mufattirat, s'abstenir de faire ce qui annule le jeûne. Et cela dans un temps déterminé. Cette obligation commence à l'aube, au fajr. Elle s'étend et se termine au coucher du soleil, au maghrib. Cela car Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate Al-Baqarah: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir, puis il y a du fil noir de l'aube, puis complétez le jeûne jusqu'à la nuit. Le temps de la retenue est donc du fajr au maghrib. Et ce qui est voulu par le fil blanc et le fil noir, c'est la distinction entre la nuit et la sortie de celle-ci par l'apparition de l'aube, du fajr. Et le prophète alayhi salatu wassalam disait à ses compagnons que le adhan de Bilal ne vous empêche pas de finir le repas du sahur. Que le adhan de Bilal, radiallahu anhu, ne vous empêche pas de manger le repas de la fin de la nuit. Pourquoi? Car c'était le premier adhan qui avait lieu à la fin de la nuit. À la fin de la nuit. Et non pas celui qui marquait l'entrée du fajr. Non pas celui qui marquait l'entrée du fajr. On a également le hadith de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, qui nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر صائم. Dès lors que la nuit arrive de ce côté-là, donc il se trouve à Médine, donc arrive du Mashriq, et le jour part de ce côté-là, donc du Maghrib, et que le soleil se couche, le jeûneur a rompu son jeûne, c'est-à-dire le temps pour couper le jeûne est arrivé, c'est le Maghrib. Donc, on doit prendre cela en considération. Nous n'avons pas la permission de rompre le jeûne sans excuse valable dans la religion d'Allah Azza wa Jal avant le Maghrib. Avant le Maghrib. Et celui qui serait tenté malgré tout de le faire, qu'il sache qu'il s'avancerait dans un péché gravissime. Dans un péché gravissime. Le deuxième point, parmi les obligations du jeûne, istishabu niyya, ila ghurubi ash-shams, le fait de ne pas couper son intention, le fait de ne pas couper son intention, et cela jusqu'au coucher du soleil. Donc la personne met une intention et l'obligation c'est de la mettre avant le fajr, au début du mois, tant qu'il ne lui arrive pas une chose qui l'amènera à cesser de jeûner, comme les menstrues, comme la maladie, à ce moment-là, elle devrait remettre une intention en reprenant le jeûne. Sinon, une intention suffit au début du mois et c'est recommandé de la renouveler chaque nuit. Par contre, il y a une chose qui est obligatoire, c'est istishabu niyya. Istishabu niyya. Donc, que cette intention soit en continu, c'est-à-dire qu'elle n'est pas marquée par la rupture de l'intention. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit innamal a'malu binniyat, les actions ne valent que par les intentions. La troisième obligation consiste à faire sortir ce qu'il y a dans la bouche qu'on aurait pu prendre par oubli. Il se peut que la personne, par oubli bien sûr, se peut que la personne pieuse, par oubli, porte quelque chose à sa bouche, tente de manger volontairement, mais par oubli. Dès qu'elle s'en souvient, quelle est son obligation ? De faire sortir ce qu'il y a dans sa bouche, de recracher ce qu'il y a dans sa bouche. La quatrième obligation, c'est de s'éloigner du jeu avec son épouse s'il craint de tomber dans le péché. Celui qui craint de tomber dans le péché, il ne doit pas s'amuser avec son épouse. Dans le cas contraire, le prophète alayhi salatu wassalam approchait quelque peu ses épouses en état de jeûne. Il n'est pas interdit d'embrasser l'épouse. Il n'est pas interdit de serrer l'épouse contre soi, et ainsi de suite. Mais c'est valable pour celui qui connaît la maîtrise de sa personne. Celui qui se maîtrise, celui qui sait se retenir, se contenir. Donc, celui qui craint de tomber dans le haram, de par ce qu'il sait de lui-même ou de son épouse, doit s'abstenir de faire les causes qui pourraient susciter le dépassement, donc le désir, donc le dépassement des limites. Les textes nous enseignent un cinquième point, l'obligation du délaissement des mensonges, l'obligation du délaissement des mauvaises paroles et des mauvaises actions. En d'autres termes, des péchés. Et si certes cela est une obligation continuelle dans la vie du serviteur, elle l'est d'autant plus dans le mois de Ramadan, car la sagesse pour laquelle il nous a été légiféré n'est autre que atteindre la piété. Allah nous dit dans le verset du jeûne, « Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. » Donc vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne, comme il l'a été aux générations avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. La piété, c'est faire ce qu'Allah t'a ordonné. La piété, c'est délaisser ce qu'Allah t'a interdit. Et si cela est une obligation dans tous les mois de l'année, à plus forte raison dans le mois de Ramadan. Abu Huraira radiallahu anhu nous dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, « Man lam yada' qawl az-zur wal 'amala bihi والجهل فليس لله حاجة يضع طعامه وشرابه رواه البخاري. Celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles ou le mensonge et les péchés et la transgression, Allah n'a que faire de son délaissement, de sa nourriture et de sa boisson. Parmi nos obligations, le fait de reconnaître le caractère obligatoire de Ramadan, de se réjouir de cette adoration, de respecter cette adoration et de l'aimer. Parce que c'est ce qu'Allah nous a légiféré pour qu'on l'adore. Et ce qu'Allah a légiféré, nous n'avons pas le droit d'avoir de l'aversion envers cette chose-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ » Ceci car ils ont eu de l'aversion envers ce qu'Allah a révélé. Nous avons donc annulé toutes leurs œuvres. Donc on doit aimer le jeûne de Ramadan. On doit considérer et immensifier cette noble adoration. Après avoir parlé des obligations du jeûne, parlons maintenant des choses recommandées. En effet, le croyant, une fois qu'il a rempli ses obligations, il recherche à se rapprocher davantage d'Allah Azza wa Jalla, à obtenir une place encore plus élevée auprès de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Il fait tout son possible pour suivre les pas du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il demande: que puis-je faire pour me rapprocher davantage d'Allah dans Ramadan? Dans Ramadan, il y a le mustahabbat. Il y a des choses recommandées, des choses auxquelles on nous a encouragés sans pour autant nous les rendre obligatoires. Premièrement, as-sahur, le repas de la fin de la nuit. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka. Prenez le repas de la fin de la nuit, car il contient une bénédiction. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit également que notre jeûne se distingue de celui des gens du livre par la prise du repas de la fin de la nuit, apporté par l'imam Muslim et le précédent est dans le Bukhari Muslim. La deuxième sunnah, c'est de manger des dattes dans ce repas. Car le prophète alayhi salatu wa salam a dit: ni'ma sahurul mu'mini at-tamr. Quel bon repas pour la fin de la nuit, quel bon repas du croyant à la fin de la nuit que sont les dattes, rapporté par Abu Daoud. Une autre sunnah, la troisième, ta'khir as-sahur, repousser le repas de la fin de la nuit, ne pas le prendre trop tôt. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, ou bien on nous enseigne que le prophète alayhi salam, à la fin de son repas, il restait le temps de lire 50 versets avant le fajr. Donc c'est proche. Une autre sunnah, ta'dil al-fitr, s'empresser de rompre le jeûne. Donc on voit que le jeûne ne t'a pas été légiféré pour te punir, te châtier, pour que tu souffres et ressentes la faim. Non, c'est pour éduquer ton âme à se soumettre à Allah Azza wa Jal dans toute situation, à répondre à l'appel d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, à devenir pieux, à se laver de ses péchés, se repentir, demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Car, clairement ici, on nous dit de prendre le repas de la nuit le plus tard possible et de rompre le jeûne une fois le maghrib, le coucher du soleil, avéré. Naam. Dans le hadith de Sahl ibn Sa'ad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: « La yazalu an-nasu bi khayr ma ajjalu al-fitr. » Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils se presseront de rompre le jeûne, mais à condition que le coucher du soleil soit avéré. Ainsi, la personne prend des forces pour mieux adorer Allah tabaraka wa ta'ala, pour reprendre une journée de jeûne, pour ne pas être lassé, pour prier la nuit, lire le Coran, faire du zikr, et ainsi de suite. Cette religion est une religion donc de miséricorde. Elle pousse le serviteur au juste milieu et elle l'éduque sur les nobles valeurs. Ainsi, celui qui souhaite le bien doit étudier ses sunan. Parmi les sunan du prophète alayhi salatu wassalam, la sixième, il y a Mada al-Jud. Naam, wal-iktharu min taftir as-sa'imin, la générosité et nourrir les gens afin qu'ils, yani de leur donner de la force pour qu'ils puissent adorer Allah Azza wa Jal. Nourrir les jeûneurs, une fois le coucher du soleil avéré. En cette période d'épidémie, de pandémie, puisse Allah Azza wa Jal soigner nos malades et nous préserver, beaucoup avaient l'habitude de nourrir des pauvres, de faire l'iftar, donner l'iftar, et là ils se retrouvent dans une situation quelque peu complexe. Or, vous pouvez pallier à ce problème en achetant des denrées alimentaires et en faisant des dons, en donnant des colis alimentaires, en faisant les courses et en donnant cela aux, aux gens dans le besoin ou en leur donnant de l'argent pour qu'ils puissent faire leurs courses. Ainsi, on espère avoir la récompense. Ainsi, on espère avoir la récompense, car là est la sagesse. Et on la retrouve ici. On la retrouve ici. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était le plus généreux déjà. Et le moment où il était le plus généreux, c'est lorsque Jibril descendait pour lui enseigner, lui faire réviser le Coran. Il est encore plus généreux qu'un vent annonciateur de pluie. Parmi les grandes sunan, ad-du'a, le fait de faire beaucoup de du'a, car les du'a du jeûneur sont exaucés. Et au moment de la rupture aussi, si le hadith est avéré, le prophète disait, lorsqu'il rompait le jeûne, « Zahaba al-dhama wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insha'Allah » Donc parmi les sunan, le fait de remercier Allah Azza wa Jal, car la soif madha a disparu, que les veines sont remplies et que la récompense est effective si Allah le veut. La huitième, salatu tarawih, qiyamul layl, le fait de prier les nuits de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, man qama Ramadan, imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner ses péchés passés. Voici ici une grande adoration. Voici ici un jardin pour les vertueux. Voici ici un moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et l'action des élites parmi les bienheureux. Le fait de prier la nuit. Par cela, Allah expie les péchés, élève en degré et fait entrer au paradis. Tabaraka wa ta'ala. De manière générale, le fait de faire des efforts dans le mois de Ramadan, plus que dans les autres mois. Car le prophète sallam était ainsi. Il y a d'autres sunan que nous traiterons dans des prochains cours, comme le fait de faire des efforts dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, comme le fait de rechercher Laylatul Qadr. Parmi les sunan, le fait de dire Inni muru'un sa'im, ou bien Inni sa'im, je suis en état de jeûne, à qui te chercherais des problèmes ou tenterais de d'attiser ta colère ou te manquerais de respect ou tenterais de te nuire de manière plus générale. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que si une personne cherche à te combattre ou à te nuire, dit inni sa'im, je suis en état de jeûne. Ainsi, ça sera un rappel pour toi. Tu vas respecter ton jeûne et ne pas transgresser. Et pour lui aussi. Pour lui aussi. Et ça va te donner une excuse en plus pour préserver ton jeûne et préserver ton honneur. C'est comme si tu lui disais, rien ne m'empêche de faire comme tu fais, de transgresser ou d'insulter ou de mal me comporter ou de lever la main, si ce n'est par considération pour l'adoration, la noble adoration dans laquelle je me trouve. D'autres sunan, mais il y a eu entre nous et entre elles, l'épidémie, wa qaddar Allah wa ma sha'a fa'al, wa alhamdulillah ala kulli hal, c'est l'i'timar, le fait de faire l'amra, le fait de prier avec l'imam jusqu'à ce qu'il parte, et ainsi de suite. Mais une bonne nouvelle, à ceux qui avaient l'habitude de faire l'amra pendant Ramadan, à ceux qui avaient l'intention de faire l'amra pendant Ramadan, sachez qu'Allah Azza wa Jal vous inscrit la récompense. Car rien ne vous a empêché, si ce n'est l'épidémie, la fermeture des frontières. Et le prophète sallam nous enseigne que celui qui a l'intention de faire une chose, puis a un empêchement, il a la récompense. Celui qui a une intention, puis ne le fait pas, a la récompense. Celui qui avait l'habitude de faire une chose et qui a eu un empêchement, lui a la récompense complète. Donc on demande à Allah Azza wa Jal, bien que nous soyons chez nous, d'avoir pleinement la récompense de la Umra et de nous permettre d'accéder à sa maison sacrée pour pouvoir l'adorer et l'unifier. Wallahu al-musta'an. Pour finir sur ce sujet, il y a des idées reçues, il y a parmi les idées reçues des choses qui sont licites, mais considérées comme étant illicites parce que Ramadan. Parce que Ramadan. Or, il n'en est rien. Pour pouvoir affirmer qu'une chose est interdite en islam, il faut une preuve. Il faut une preuve. Et s'il n'y a pas de preuve, la base est la laïcité de cette chose-là. Parmi ces points qu'on peut se rappeler, le fait d'embrasser la femme pour celui qui se maîtrise, le fait d'avoir des rapports avec son épouse dans la nuit de Ramadan, dans les nuits de Ramadan, le fait de rentrer au temps du Fajr en état de Janaba, Naam, c'est-à-dire qu'il a commercé de nuit et arrivé au Fajr, il ne s'est pas encore lavé. Ceci n'est pas interdit. Ceci n'est pas interdit, mais il aura l'obligation de se laver pour pouvoir prier. Il n'est pas interdit de se laver dans la journée, que ce soit pour se rafraîchir ou que ce soit pour se nettoyer, que ce soit pour se donner plus de vigueur. Tout cela est permis. Que ce soit en utilisant le savon ou non. Naam. La personne a aussi le droit de se brosser les dents, quand bien même elle voudrait utiliser du dentifrice. Même si, ça n'est pas, même si on n'encourage pas à cela, ça reste permis tant qu'il n'avale pas. Il est permis, dans la journée de Ramadan, de se rincer la bouche. De se rincer la bouche, d'utiliser un siwak. C'est une sunna de tout temps. Naam, dans tous les mois. Le fait de se rincer le nez, d'introduire de l'eau et d'expirer, et de faire sortir avec de l'air l'eau du nez, c'est permis, sans exagérer. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Balir filistin shaq illa antakuna sa'ima ». Donc ça, c'est une sunna dans l'oudou, le fait d'exagérer lors de la prise de l'eau pour faire entrer dans le nez, ainsi de suite. Sauf quand tu es en état de jeûne, a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Il est permis dans la journée de Ramadan de se parfumer, de s'enduire, de mettre de la pommade, de mettre de la crème, de se pommader les cheveux, de mettre du gel et ainsi de suite. Tout cela est permis. Il est permis d'avaler sa simple salive. Quant au glaire, les savants ont divergé. Ainsi, il ne convient pas d'avaler les glaires, particulièrement ceux qui descendent de la tête ou ceux qui sont remontés de la poitrine à la bouche, et la personne réintroduirait cela dans sa gorge. Ceci n'est pas permis. À ce moment-là, il faut le cracher. Mais si ça passe derrière, donc sans passer par la bouche proche de la langue, ceci est excusé. Ceci est excusé. Il est permis de goûter la nourriture en cas de besoin, mais la personne devra recracher. Pourquoi est-ce qu'elle goûterait la nourriture? Car, et Ali ne se pose cette question qu'un homme, qui n'a pas de lien avec la cuisine, mais sinon, tout le monde sait qu'il faut goûter la sauce pour savoir est-ce que c'est assez relevé, salé ou autre. Naam, certains diront pimenté, et j'en passe. C'est donc permis, mais il faut recracher ensuite. Le fait de sentir une bonne odeur, c'est permis. Est-il permis d'aller chez le médecin? Est-il permis d'aller chez le dentiste? Tout cela est permis. D'enlever une dent, c'est permis. Et la grande question du moment, est-il permis de faire les tests Covid ou de, est-ce que ça annule le jeûne de faire le test Covid ou le vaccin? Non, ça n'annule pas le jeûne. Et il y a la fatwa du mufti à ce sujet. Les prises de sang sont également permises, particulièrement si c'est en petite quantité, comme c'est le cas la plupart du temps. Néanmoins, Ibn Baz rahimahullah nous dit, s'il le repousse à la nuit, alors ceci est meilleur. On peut également parler des piqûres qui ne sont pas nutritives. Beaucoup de savants disent que ça n'annule pas le jeûne. Mentionnons également le rasage de la tête, l'épilation, tout cela est permis et n'annule pas le jeûne. Exception faite, exception faite de la barbe pour les hommes, il n'est pas permis de la raser. C'est haram, c'est un péché de se raser la barbe. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné de laisser pousser nos barbes, mais de tailler nos moustaches. Il est permis de se limer les ongles, de se les couper, de se peigner les cheveux, et ainsi de suite. Certains pensent que dans la journée de Ramadan, il faut se négliger, ne pas s'habiller convenablement, ne pas s'embellir, ne pas se parfumer, et ainsi de suite, paraître comme une personne dans le besoin, en détresse. Non, ceci ne nous est pas demandé. Ceci ne nous est pas demandé. Barakallahu fikum. Certaines femmes demandent, est-ce que nous pouvons prendre des médicaments pour retarder les menstrues afin de pouvoir jeûner le mois entièrement et de faire plus d'adoration? Les savants ont dit que c'était permis si elles ne se causaient pas du tort. C'est donc permis, mais c'est une chose qu'Allah Azza wa Jal a décrété pour les filles de Hawa. Il faut donc accepter ce décret. Et un conseil à nos sœurs, Hafidhahunallah. Allah Azza wa Jal a décidé, par sa science et sa sagesse, de décréter les menstrues. Ainsi, la femme a sa période de menstrues, et d'autres ont leur lochi. Et il se peut qu'elle s'attriste de ne pas pouvoir jeûner. Il se peut qu'elle s'attriste de ne pas pouvoir faire comme les autres. Or, c'est une chose qu'Allah lui a décrétée. Elle se doit d'agréer ce qu'Allah a choisi pour elle. Et Allah choisit, et il sait mieux. Et c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui vous a façonnés. Il sait ce qui est bon pour vous. Et si certes tu ne peux pas jeûner, car en étant disposé c'est interdit, combien d'autres portes de servitude et d'adoration Allah Azza wa Jal t'a laissé ouvertes? Tu peux faire du zikr, tu peux lire le Coran, tu peux même lire le Coran dans le mushaf. Tu peux lire le Coran, tu peux psalmodier le Coran. Tu ne vas pas prier, mais tu peux le lire. Des heures durant, tu peux faire du zikr. Tu peux dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim, la hawla wa la quwwata illa billah. Et sache que bon nombre de palmiers te seront plantés au paradis suite à ces paroles. Les meilleures paroles sous lesquelles le soleil se lève, sur lesquelles le soleil se lève. Les paroles les plus aimées chez Allah Azza wa Jal, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Qu'est-ce qui l'empêche de dire ces paroles-là, qu'elles soient indisposées ou non? Le fait de faire du khayr, le fait de se repentir, de faire de l'istighfar, le fait de prendre soin de sa famille, le fait de nourrir des pauvres, de faire des sadaqat, le fait de préparer des plats et d'offrir cela, na'am, tout cela reste ouvert. Et accessible. Tout cela reste ouvert et accessible. Qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à la femme qui prendra de son temps ou de son argent pour cuisiner pour les croyants, pour offrir de sa bonne nourriture aux croyants. Puisse Allah Azza wa Jal récompenser toutes ces sœurs qui se fatiguent afin que les gens de leur foyer et parfois même les voisins et proches, na'am, soient à l'abri de la faim une fois le soleil couché. Passons maintenant aux annulatifs du jeûne. Mubtilat al-siyam, ou appelé mufsidat al-siyam, ou encore al-mufattirat. Quelles sont les choses qui annulent le jeûne du jeûneur? Premièrement, al-akl wa shurb amdan, manger ou boire volontairement. Entre dans ce jugement les piqûres nutritives, ou ceux qu'on pourrait faire entrer par le nez. Parmi les annulatifs du jeûne, il y a également al-qay ou amdan, le fait de se faire vomir volontairement. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Man dhara'a al-qay فَلَيْسَ عَلِي قَضَى مَنْ اِسْتَقَى عَمْدًا فَلْيَقْضِي. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: celui qui vomit involontairement, celui qui vomit involontairement n'a pas à rattraper. Naam. وَمَنْ اِسْتَقَى عَمْدًا فَنِيَقْضِي. Et celui qui se fait vomir, donc volontairement, qu'il rattrape ce jour-là. Qu'il rattrape ce jour-là. Rapporté par Ahl al-Sunan et l'imam Ahmed rahmatullahi alayhim. Donc se faire vomir volontairement annule le jeûne. Se faire vomir volontairement annule le jeûne. Quant à celui qui vomit involontairement, ça n'annule pas le jeûne. Se rince la bouche et poursuit son jeûne. Parmi les annulatifs du jeûne, troisièmement, il a khuruj ud-dam al-hayd ou an-nifas, l'écoulement du sang des menstrues ou des lochies. Si la femme observe l'écoulement, on ne dit pas le fait de sentir les signes précurseurs, non, l'écoulement. Si du sang s'écoule, à ce moment-là, elle regarde le temps. Si c'est avant le maghrib, son jour de jeûne est annulé. Même une seconde avant, si entre le fajr et le maghrib, du sang s'écoule, c'est du sang des menstrues ou des lochies, son jeûne est annulé. Elle le note et elle devra le rattraper. Il n'y a pas d'autre méthode comme nourrir des pauvres ou autre. Par contre, si le sang sort après le maghrib, même une seconde après, son jeûne est valable, elle n'a pas à le rattraper. Elle n'a pas à le rattraper. Parmi les annulatifs du jeûne, qat'un niyya, le fait de couper l'intention. Le fait de sortir du jeûne de par son intention. Il se dit, je ne jeûne plus. Khalas. Il arrête son jeûne. Il casse, coupe son intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, innama al-a'malu binniyat, les actions ne valent que par les intentions. Contrairement à celui qui ne fait qu'avoir certaines pensées, se dit, j'aimerais bien couper, j'aimerais bien un verre d'eau, ou bien je suis en voyage, si je trouve une épicerie, j'achèterai de l'eau, et ainsi de suite. Ça, c'est des pensées. Tant qu'il ne coupe pas son intention, véritablement, son jeûne est maintenu et valable. Certains savants mettent dans la liste des annulatifs du jeûne le fait d'avaler des glaires qui sont descendus soit du haut, soit sont remontés de la poitrine. Quant à ceux qui passent par le conduit arrière, donc ne passent pas par la bouche, n'arrivent pas à la langue, donc n'est pas avalé volontairement, ceci n'annule pas le jeûne. Il y a une grande divergence sur el-hijama, sur la saignée. Certains savants disent que ça annule le jeûne et d'autres non. Quoi qu'il en soit, le mieux est de ne pas pratiquer le hijama dans la journée de Ramadan. Le mieux est de ne pas pratiquer le hijama dans la journée de Ramadan. Parmi les annulatifs du jeûne, il y a istikharaj ul-mani, l'istimna. Il y a la masturbation jusqu'à faire sortir, jusqu'à éjaculation. L'istimna, le fait de se masturber seul, c'est-à-dire, ça n'est pas dans le couple, est interdit, que ce soit dans la journée de Ramadan ou que ce soit en dehors de Ramadan. Quant à cette pratique entre époux, elle n'est pas interdite. Pour revenir à notre sujet, celui qui ou celle qui se masturbe jusqu'à finir, jusqu'à éjaculation, que ce soit avec la main, que ce soit en regardant une chose suscitant le désir, que ce soit en écoutant une chose suscitant le désir, jusqu'à arriver à l'éjaculation, ceci annule le jeûne, rend obligatoire le repentir, l'istighfar, et de rattraper ce jour de jeûne. Par contre, celui qui s'amuse avec son époux et voit du liquide prostatique, donc le liquide qui est transparent mais qui n'est pas du mani, qui n'est pas du sperme, cette personne n'aura pas annulé son jeûne. Cette personne n'aura pas annulé son jeûne. Mais elle peut diminuer sa récompense car elle a pris le risque. Alors, elle ne se maîtrise pas assez pour faire cela. Et celui qui fait cette pratique sans finir aura commis un péché, mais n'aura pas annulé son jeûne. n'aura pas annulé son jeûne, comme c'est l'avis prépondérant chez certains savants. Pour finir, el-jima', avoir un rapport sexuel, ceci est un annulatif particulier. Pourquoi ? Car en plus de rendre obligatoire le repentir, le fait de rattraper ce jour, il y a le kafaratul mughallaba. Il y a une sévère expiation. Et ceci, de par le caractère sacré du mois de Ramadan. L'expiation sévère est pour l'homme et pour la femme, si elle était, de mèche, disons ainsi. Un homme est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui a dit, « Ya Rasulallah, halakt. » Dans notre version, « halakt. » Ô messager d'Allah, j'ai péri. Le prophète sallam lui a dit, « Wa ma ahlakak ? » Qu'est-ce qui t'a fait périr ? Il lui a dit, « Wa qa'atu ala ahli fi nahari Ramadan. » J'ai eu un rapport avec mon épouse alors que c'était la journée du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « A'tiq raqqaba, affranchi un esclave. » Il lui a dit, « Je ne peux pas. » Puis il lui a dit, « Jeûne 2 mois consécutifs. » Il lui a dit, « Je n'en ai pas la capacité. » Alors il lui a dit, « Mada at'im sittina miskina, nourris 60 pauvres. » Il lui a dit, « Je n'ai pas la capacité. » Plus tard, on donna au prophète, alayhi salatu wassalam, un seau de dattes. Il a dit, « Aina sa'il, où est celui qui m'interrogeait ?» Il a dit, « Je suis là au messager d'Allah. » Il lui a dit, « Tiens, nourris des pauvres avec ça. » L'homme a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, Dois-je donner cela à plus pauvre que moi, que ma famille, au message d'Allah? Par Allah, il n'y a pas entre ces deux endroits-là plus pauvre que ma famille, au message d'Allah. Le prophète a souri et a dit, At'im bihi ahlak. Nourris alors avec ta famille. Subhanallah al-Azim, la mansuétude de l'islam, la douceur et la splendeur de l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-mada al-rahim al-salam. Allah tabaraka wa ta'ala a révélé cette religion de douceur, cette religion où la personne ne peut que se placer sous la splendeur, sous la beauté de cet islam, de cet édifice, et ne peut que résider, vivre et avancer, acheminer vers Allah Azza wa Jalla, la demeure de l'au-delà, dans le bonheur et dans la subsistance. Même si tu le vois pauvre, Allah Azza wa Jalla lui donne la grande subsistance du cœur et de l'âme. Le prophète alayhi salatu wa salam lui a donc dit de nourrir avec ce seau de dattes sa famille, ses proches. Il est venu en pensant être anéanti, mais son retour vers Allah, son regret, cette servitude qu'il a su développer avec l'aide d'Allah Azza wa Jalla, le fait de se repentir, de regretter, de s'humilier, de se rabaisser devant Allah Azza wa Jal, de voir que si Allah ne le sauvait pas, il périrait. Allah Azza wa Jal lui a fait miséricorde et lui a accordé cette issue et ce salut. Ainsi, parmi les annulatifs du jeûne, il y a le fait d'avoir un rapport sexuel. Celui qui tombe dans cet annulatif, s'il ne peut pas donc affranchir un esclave, s'il ne peut pas donc nourrir, jeûner 60 jours d'affilée, il devra nourrir 60 pauvres. Dans le cas où il n'a pas les moyens, il nourrit ce qu'il peut. Et dans le cas où il n'a rien, alors cette obligation tombe, selon l'avis de certains savants. Et d'autres savants disent que ça reste une dette. Tous ces annulatifs que nous avons mentionnés, si la personne tombe dedans, ça annule son jeûne, à condition qu'il soit savant de cet annulatif, donc il n'était pas ignorant, à condition qu'il se rappelle qu'il est en état de jeûne, il n'a pas fait ça par oubli, et à condition qu'il ait fait cela volontairement, on ne l'est pas, et qu'on ne l'est donc pas contraint. Voici les obligations du jeûne, voici les choses recommandées durant le jeûne, ou bien le mois de Ramadan, et voici les annulatifs du jeûne. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala accroître nos connaissances, nous permettre de l'adorer avec science et nous préserver dans le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan de toute sentence. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصدقاتنا اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. Une sœur est éprouvée car son père est hospitalisé dans un état gravissime. D'autres leur mère, d'autres leurs proches. Pour tout cela, nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il accorde le meilleur à leurs malades. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.